Radiomatique. Amorcer la transmission 449 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet américain Decker, mené par Brandon Decker. De son 8e album studio intitulé Ouroboros et qui paraîtra le 9 juin prochain, nous entendions la pièce Ouroboros sans fin. Les sons évoquent et la musique est évoquée à travers les sons. Cette séquence de deux pièces se concluait sur la musique du projet Sentai A, menée par Brian Doggins et Gary Cobain, parallèlement à leur projet principal de Future Sound of London, de l'unique album de Sentai A intitulé Ignition of the Sun et publié en 2016, nous écoutions la pièce Dilatation of Time. Avant Sentai A, c'était le projet 7697 Miles mené par les artistes Dieter Mohsen et Cristobal Rawlins, respectivement de Hambourg en Allemagne et de Santiago au Chili. Le nom du projet, 7697 Miles, signifie la distance séparant les deux villes de ces artistes qui ont notamment créé conjointement l'album Iskai, inspiré par la culture andine lors d'une tournée au Pérou. Cet album, c'est la pièce Kachauchwik que nous avons entendue. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe français Bada Bada. Il s'agissait à Audiomatic du duo autrichien Wiener Plankadrat, de son plus récent mini-album Chung Öl. Lancé en 2022, nous entendions la chanson AIV, qui est l'acronyme pour Alles ist viel. Précédemment, à Wiener Plankadrat, nous avions droit au trio français Bada Bada, de son mini-album intitulé 2 en chiffres romains et sorti en 2020. Nous vous avons présenté la pièce Venus. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de la formation Delirium Mask. Delirium Mask. Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre la formation hongroise Escalator et sa pièce Offensiva qu'on peut retrouver sur l'album Anthologia qui regroupe des pièces ayant été composées entre 1989 et 2009. Avant Escalator, c'était la formation péruvienne Varsovia de qui nous écoutions la pièce Entre Velas Encendidas tirée du plus récent album Diseñar y Destruir paru en 2022. Et pour amorcer la séquence, c'était la formation chilienne Delirium Mask et sa pièce Exterminio paru sur l'album Entes. Et la pièce est également disponible sur la composition Festival Under Latino Americano Volume 1 produite par l'étiquette de disque Tumbas Eternas. C'est au tour de l'artiste américain Ideal d'assurer la continuité audiomatique. Rhyme over rap recite, always had the passion. But back when I ain't have it right, every passing night got sacrificed. It was like I had to write. Y'all thought I was fasting when I was actually just building up my appetite. Yeah, snap it right back to life, broadcasting like a satellite. The imagery of my passage writes for memories of the battle cyphers. Intensity then entity till eventually I snatched the mic and claimed status as an MC. Now goddammit, I intend to be listened to and not just heard. My rhymes ain't give the blind visuals, they're not just words. In these lines you'll find subliminal little riddles and symbols hidden within the syllables, but they invisible to the simple folk, like encrypted codes you ain't meant to know. Those who get it know I'm finna blow till I'm getting dome from centerfolds. Who be sniffing while they sit below, while lids low from the splits I roll. Spill vintage fifths on expensive robes, who won't give a cause I'll be getting dough. It's lit. Yeah, I know. Do a little bit. Okay, I know I'm loud and unconventional. See, I'm proud, it's unintentional. How I steer the sound and I bend the flow throughout ear canals and down temporal lobes. These clowns is one dimensional and get what's bound to come eventual. I'll just wait patiently for my day to see the crown found around my temples, though. Since my adolescence, I gripped the pen like it was an antidepressant. Kept the heat with me, I don't get tired of sweating. Talking all this water, hope you find the lessons in my flows. With my bros, they usually define my presence. No, we different dudes, don't sip no brews, I'm in the know. We see you too, know you see us, but we know which is which. I seen real wealth, I seen real turn to richy rich. It's more than help, that make me sick to see mugs up. And switching up, I'm staying stealthy, they can't see me fly off the beaten path, I see no reason why I run with clones. Black and white, I'm really judging off your undertones. The colors muted when them toxic traits get overcast. Understand, watch your words if you gon' pitch it underhand. And let your know it fast, they like to talk that cash. And I will let you overdraft, plenty horses I've been holding fast. Mustang on the dash, I'm talking thoroughbred. In the passenger seat with the curly hair. Yeah, I got my low with some naps. They taking naps between my thumb and index finger. I'm a smoker, I'm a snap. You get the point, that's where it's at. Oh, that's where it's at right there. God damn. Matter of fact, look at some of that. Feeling good, bro. You know what? Let me hit it one more time. I've been rhyming since junior high, back when my crew and I was sharing clothes. So naturally, I actually don't give a about sharing posts. Rappers keep their writers very close. No, not me, I'm scared of ghosts. Lines are in my veins, they varicose. When I enter brains and bare my soul, go against the grain, comparable to musically gluten-free. See, when I've been entertained. But entertainment exclusively wasn't meant to be my main intent, but essentially how I paid the rent. You don't get to be the main event if you never seize when it came and went. But of course, since that's the case, they try to force me to have to wait to accordingly acclimate. Say I normally aggravate certain portions of the database. Nah, I relate to the tortoise in a rabbit race that still records a faster pace. I'm a worn a mask, a masquerade. I was born a spastic castaway in a rumble in summer thunderstorm. Ever since I said what I had to say to the kids who you want dumb and uninformed, so what you heard? Are you stuck with what you deserve? You can sit up front and observe while I conduct with these words. I know I'm working on conventional. I'm proud, it's done intentional. I steer the sound and I bend the flow throughout ear canals and down temporal lobes. These clowns are one-dimensional. They'll get what's bound to come eventual. I'll just wait patiently for the day to see the crown found around my temples, yo. Thank you. Il s'agissait à Audiomatic du projet montréalais Sam Wow, mené par Sam Wowitka, qui fait aussi partie du duo Fang, de son premier album Awkward Party, paru le 2 juin 2023. Nous écoutions la chanson Pretty. Et pour amorcer ce bloc musical, nous vous avons offert la musique de l'artiste américain Ideal, de son premier album Scatterbrained, lancé le 2 juin 2023. Nous avons choisi la chanson Unconventional Radio Version, à laquelle participe Mick Jenkins. En conclusion de cette transmission 449 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste australienne Anna McLean, de son premier album Mew, sorti le 2 juin 2023. Nous écouterons la pièce The Torch. Et ne manquez pas la transmission 450 d'Audiomatic diffusée en direct sur les ondes du 89.1 FM à Trois-Rivières et sur le web grâce au lien disponible sur la page cfou.ca. Par la suite, elle se retrouvera disponible de manière intemporelle et sans contrainte spatiale dans les archives d'Audiomatic, dont une des portes d'entrée principales se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Anna McLean et la pièce de Torch. C'était Audiomatic avec les sonoristes.